Bonjour, chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, notre débat porte sur la contribution du voisinage et la scolarisation des enfants pour la protection de leurs droits. Au moment où, le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale dédiée aux droits des enfants, la branche de l'ONU qui s'occupe de l'éducation et des droits des enfants dans le monde, UNICEF, publie dans son rapport, 15 milliards d'enfants font face à la pauvreté, aux diverses maladies, le sida y compris. Dans notre pays, sur la population de plus de 10 millions, les enfants sont au nombre de plus de 5 millions. Et sur ces chiffres, 8 sur 10 enfants vivant dans une extrême pauvreté, car ils sont difficilement soignés et leur accès à l'école étant au niveau très bas. La journée mondiale de l'enfance du 20 novembre coïncide avec le thème que le Burundi s'est fixé, entre guillemets, écoutons l'avenir, défendons les droits de l'enfant. Ici, l'on peut se demander comment se porte la situation des droits de l'enfant dans notre pays, au moment où, dans notre pays, l'éducation est gratuite. Plus d'un veut savoir combien d'enfants sont sur le banc de l'école. Comment est-ce que le ministère de l'Éducation sensibilise les enfants pour qu'ils puissent fréquenter l'école? Comment est la situation des droits des enfants en situation de la rue? Comment est-ce que les enfants vivant avec le handicap sont traités? Quel est le rôle du voisinage dans la protection des droits de l'enfant? Qu'est-ce qui doit être fait pour que les enfants burundais soient protégés dans tous les domaines? Voilà quelques questions qu'on va essayer de décortiquer dans ce débat pour trouver des réponses et contributions afin d'aboutir aux objectifs que le gouvernement burundais s'est fixé. Pour y parvenir, nous avons quatre invités, à savoir le vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Anaclé Nzohabonayo. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités pour partager nos points de vue sur la situation des droits de l'enfant. Sur ce plateau, nous avons aussi un deuxième invité. Il s'agit de Félix Sindaigaya de l'association qui milite pour les droits de l'enfant, OIDEB. Bonjour à vous aussi. Bonjour, merci de m'avoir invité dans cette émission. Nous avons aussi l'une des chances d'avoir une femme dans l'émission Mosaïque, Malizy Hatungimana, directrice de l'éducation préscolaire et petite enfance au ministère de l'Éducation. Bonjour madame. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. Nous sommes aussi avec le porte-parole du ministère de la Solidarité et Défense, Madjambéré. Bonjour à vous aussi, bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci de l'invitation. Voilà donc les invités de l'émission Mosaïque d'aujourd'hui qui vous a été conjointement préparée par la radio Isanganiro et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. À la prise du son, je suis avec François Akimana, Médar Nyonguru est à la réalisation et à l'animation de ce débat. Vous retrouvez Évariste Ndikobanyanga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. Sans trop tarder, entamons ce débat avec la première question et je la dirige vers la commission CNDH. Comment est la situation actuelle des droits de l'enfant au Burundi? Merci pour la question. Quelle est la situation des droits de l'enfant au Burundi? D'abord, il faut dire que le Burundi a ratifié la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui consacre un cadre juridique et lequel cadre juridique a été incorporé dans notre législation interne. Et le Burundi a alors développé énormément d'outils pour la protection des droits de l'enfant. Et ce qu'il faut dire, ce sont les efforts d'abord que le gouvernement burundais a fournis pour protéger et défendre les droits de l'enfant. Évidemment, comme vous le savez, ce sont plusieurs droits, mais on peut s'occuper de quelques-uns. Notamment, si je commence par le droit à l'éducation et à la santé, vous savez que le gouvernement du Burundi, l'enseignement est gratuit pour l'école fondamentale. Et les enfants sont soignés gratuitement, je vais dire, les enfants de moins de 5 ans. Et on peut aussi se réjouir du taux de couverture vaccinale, surtout au territoire burundais. Ça, c'est quand même des actions qu'il faut féliciter. Mais quand on vient aussi aux autres initiatives, vous allez voir que ces efforts ont été réitérés et on a toujours, le gouvernement du Burundi a toujours augmenté le budget alloué à l'éducation. Vous verrez par exemple que l'année 2022-2023, bon, c'était un budget d'environ 354 milliards. Mais dans l'année budgétaire 23-24, c'est un budget de 499 milliards, soit à peu près une augmentation de près de 30% du budget consacré à l'éducation. Et vous savez que pendant que dans les autres secteurs, les recrutements ont été gelés. On suit quand même, on voit que chaque année, il y a des recrutements pour essayer de doter les écoles du personnel enseignant. Et il y a beaucoup de ces efforts-là, mais évidemment, les défis ne manquent pas. Les défis ne manquent pas. Pourquoi ? Parce qu'on voit ce phénomène d'abandon scolaire qui est là, qui nous pensons pourrait être atténué par la mesure de cantine scolaire, là où c'était nécessaire, où le besoin s'opposait. En fait, les enfants peuvent se nourrir avec ces cantines scolaires, ce qui peut diminuer le taux d'abandon. Mais est-il que quand même, ça reste un défi. Et il y a aussi le défi de la ratio enseignant-élève. C'est-à-dire des effectifs qui sont très très très très élevés, avec du matériel didactique qui n'est pas parfois disponible. Ça c'est quand même des défis, mais aussi notre défi concerne la qualité même de l'enseignement et qui, à raison des conditions d'apprentissage, quand même laisse à désirer. Voilà, mais on devrait aussi souligner l'inclusion en termes techniques, c'est-à-dire tous à l'école, bon, pour les enfants vivant avec un handicap, bon, notamment la cécité, notamment la surdité. On sait que l'État a fait des efforts pour accompagner en fait ces enfants, mais on rencontre des problèmes parce que le matériel approprié et l'infrastructure qui devrait accommoder ces enfants n'est pas toujours adéquat ou il est insuffisant lorsque il y en a un peu. C'est pas mal de défis dans ce domaine là qu'on rencontre. Oui. Voilà. Merci beaucoup professeur Anaclé Nzo Habonayo. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la CNDH. C'est la même question, on fait le tour de table. Monsieur Idéphonse Matambéré, vous êtes porte-parole du ministère de la Solidarité, le ministère aussi qui s'occupe aussi des droits de la personne humaine. Et quelle est la situation des enfants aujourd'hui? Merci de la question. La situation des droits de l'homme au Burundi en général et des droits de l'enfant en particulier, c'est une réalité. Tous les partenaires sont engagés à défendre et à protéger les droits de l'enfant. Mais les défis, comme mon confrère vient de le dire, existent toujours. On voit des enfants qui ne fréquentent pas l'école, c'est la réalité. On a toujours des enfants qui sont dans la rue. Quand bien même le gouvernement est engagé tous ses efforts pour conjuguer les efforts à contenir le phénomène des enfants de la rue, il persiste encore des enfants de la rue. Il y a une situation des droits économiques qui reste toujours à désirer au niveau des ménages, où le rôle et la contribution de la femme au sein des ménages n'est pas considéré au même degré que la contribution de l'homme, ce qui engendre des fois des violences conjugales. Dans cette situation, l'enfant en est la première victime, qui fait que l'enfant ne fréquente pas l'école, n'est pas soigné. Il existe toujours des ménages qui sont pauvres et qui ne peuvent pas couvrir et tous les besoins fondamentaux dont les enfants ont besoin pour pouvoir espérer un développement harmonieux de l'enfant tel que prévu dans la convention qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que la situation des droits de l'homme est une réalité. On se réjouit du pas franchi au niveau législatif, au niveau institutionnel. Mais il existe toujours des défis qu'il faut remonter. C'est là où peut-être le gouvernement est interpellé. Il veille chaque jour et chaque année, comme le vice-président a signalé, le gouvernement consacre plus d'efforts pour pouvoir contenir ces défis. Mais on peut se réjouir que des progrès sont là. Oui, on va revenir en deuxième étape sur le défi, surtout que vous, au ministère de la Solidarité, vous allez nous dire pourquoi les enfants sont toujours visibles dans la rue alors qu'il y a les efforts qui ont été fournis. Nous avons eu la chance d'avoir autour de cette table ronde une femme aujourd'hui. Madame Malizy Atungimana, directrice de l'éducation préscolaire et petite enfance au ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, comment est la situation? Merci beaucoup de la question. Je dirais qu'au niveau de l'éducation, pareil, toute personne ignore que tout enfant, chaque enfant a droit à l'éducation. Et aujourd'hui, avec même le début de 2005, avec la gratuité de l'éducation, on enregistre beaucoup d'enfants dans les écoles, jusqu'à avoir même un taux brut de scolarisation de plus de 100%. Et cela a été dicté par le fait qu'auparavant, il y avait beaucoup de... Certaines familles, certains ménages n'avaient pas de moyens suffisants pour pouvoir faire scolariser les enfants. D'où aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants dans les écoles. Et on a plus de 100%, comme je l'ai déjà dit. Alors, je dis qu'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on est satisfait, mais quand même, on a déjà un pas avancé avec le droit de l'éducation. Parce que même nous avons aussi aujourd'hui l'éducation pour tous, où chaque enfant qui a un âge scolaire doit aller à l'école, doit être inscrit à l'école, y rester et au moins terminer l'enseignement fondamental. Oui. Est-ce que les enfants, aujourd'hui, ils apprennent bien, ils ont tout le nécessaire? Bien sûr, les défis n'en manquent pas. Les défis existent du fait que, pour pouvoir dire que les enfants apprennent beaucoup, on doit avoir beaucoup de choses. Avec les effectifs pléthoriques, on n'est pas à mesure de bien encadrer, de bien suivre convenablement chaque enfant pour pouvoir lui donner ce qu'on doit donner. Et aussi, comme les autres l'ont déjà dit, il y a les enseignants qui ne sont pas suffisants pour pouvoir encadrer convenablement. Dans les années passées, on avait une salle de classe, groupe pédagogique qui arrive à peut-être à 60 à 50. Aujourd'hui, on enregistre beaucoup d'enfants dans une salle de classe. Normalement, on devrait avoir un enseignement individualisé. Et avec les effectifs pléthoriques, on n'est pas en mesure, on n'est pas capable. D'où la qualité en souffle. Oui. Bien, nous avons quelqu'un, notre invité de l'OIDEB, Félix Sindaïgaya. Vous venez d'entendre ce qu'ils ont dit, la situation telle qu'elle est. Et on trouve que les droits de l'enfant ne sont pas au bon fixe, même s'il y a des efforts qui ont été conjugués. Au niveau de l'OIDEB, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous avez constaté? Quelle est la situation que vous avez relevée dans vos rapports? Ok, merci de la question. Comme mes prédécesseurs l'ont souligné, aujourd'hui, à la célébration du 35e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, nous célébrons cette convention au moment où nous observons beaucoup de défis dans le domaine de protection de l'enfant, que ce soit au niveau de l'éducation, parce que, comme les autres l'ont signalé, il y a beaucoup de défis dans l'éducation. Et avec peut-être plusieurs facteurs, en premier lieu la croissance démographique, même si l'État fait beaucoup d'efforts, nous constatons que les enfants étudient toujours dans de mauvaises conditions. Il y a des écoles qui n'ont pas de matériel scolaire suffisant, donc les supports pédagogiques suffisants pour pouvoir dispenser une éducation de qualité aux enfants. Il y a des écoles où on assiste encore des enfants qui étudient état assis à terre, sur terre. Ça, c'est un grand défi. Du côté des enfants de la rue, c'est un phénomène qui est toujours déplorable parce qu'on voit toujours des enfants de la rue. Selon l'enquête qui a été menée, les chiffres qui ont été publiés par les directions provinciales de développement familial et social à l'an 2021, ils ont donné des effectifs allant jusqu'à 7000 enfants qui sont dans la rue. Ces effectifs contiennent même dans la stratégie nationale de lutte contre le phénomène des enfants de la rue et des adultes mendiants. Et ce sont des effectifs qui ont été recensés dans seulement 9 provinces du pays et qui ont des grandes villes, parce que vous savez que les enfants de la rue, ou bien le phénomène des enfants de la rue, est visible principalement dans les principales villes où ils ont toujours des facilités pour faire les mendicités. Et c'est un mauvais signe parce que si on observe encore des grands effectifs d'enfants dans la rue, c'est un grand problème parce que les enfants qui sont dans la rue, ce sont des enfants qui sont dans des conditions où leur avenir est incertain, à plus forte raison pour l'avenir de notre pays, parce que la rue ne donne pas une bonne éducation. Comme il y a beaucoup de gens, ou bien la plupart des gens ont l'habitude de considérer ces enfants de la rue comme des enfants délinquants ou bien des enfants difficiles, mais ce sont réellement des enfants en difficulté qui nécessitent un secours, qui ont besoin d'être protégés particulièrement, qui ont besoin d'être compris et qu'ils sont vulnérables, ont besoin d'être protégés. Alors, la situation en général sur les droits des enfants, c'est vrai, il y a des avancées et l'État, le gouvernement fait tout, fait des efforts, mais vraiment, les défis sont encore là. Et pour dire que cet anniversaire que nous commémorons aujourd'hui et vient au moment où vraiment il y a beaucoup de défis dans le domaine de protection de l'enfant. Voilà. Tout à l'heure, madame disait que dans le milieu scolaire, aujourd'hui, on a accueilli des enfants à plus de 100%. Est-ce que ce climat est favorable à une bonne éducation, à un bon enseignement? Bon, c'est vrai, peut-être on les accueille, oui, et nous le voyons. Et parce qu'il y a beaucoup d'effectifs, effectivement, dans les salles de classe. Oui. Mais les conditions dans lesquelles ils étudient ne sont pas satisfaisantes, comme elle même l'a signalé. Et c'est pourquoi nous observons aussi beaucoup de cas d'abandon scolaire. Il y a des chiffres qui sont alarmants. Chaque année scolaire, on recense beaucoup de chiffres alarmants d'abandon scolaire. Et ce qui fait que, quand on accueille des grands effectifs, ou bien qu'on accueille les enfants à 100% à l'éducation, la finalité ou bien le fruit de son mouvement à l'éducation n'est pas adéquat. Oui, merci beaucoup Félix Sindayingaya de l'OIDEB. Tout à l'heure, le vice-président de la CNDH parlait des activités, des actions menées par le gouvernement dans le but de faire respecter les droits de l'enfant. Est-ce que monsieur le vice-président de la CNDH, dans la situation du moment, au niveau de la CNDH, vous êtes satisfait? Satisfait de quoi? Des résultats escomptés. Satisfait des résultats escomptés, oui, il y a lieu d'être satisfait parce que on a vu les efforts, on a vu les efforts, on voit les efforts que le gouvernement continue à fournir. Oui. Mais cette satisfaction ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis. Oui. Il y a des défis. Et c'est ce que mon prédécesseur vient de dire, il y a la qualité de l'enseignement, la qualité des apprentissages. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes un enseignant et que vous avez 100 élèves, alors que les normes internationales, je crois, situent entre 35 et 40, donc vous comprenez qu'on a presque triplé. Alors, pour un enseignant, encadrer un effectif pléthorique comme ça, vous comprenez que ça devient difficile. au même moment où ça s'oppose, ce problème de ratio élève-enseignant, il y a aussi ces conditions matérielles qui parfois ne sont pas réunies, notamment le matériel didactique qui parfois n'est pas suffisant, les équipements qui ne sont pas encore là, et là ça devient un problème. Ça devient un problème dans la mesure où ces conditions conditionnent aussi la qualité des enseignements. Mm-hmm. Et voilà pourquoi à un certain moment il n'est pas rare de trouver des enfants qui terminent l'école primaire mais qui éprouvent encore des difficultés à lire couramment et à écrire convenablement la langue nationale. Mm-hmm. Donc on voit que ça c'est un problème. Et bon, alors l'État effectivement fait les efforts, mais comme on a vu avec une démographie galopante, mm-hmm, qui est là, à un certain moment il ne faudrait pas dire que oui on va mettre au monde des enfants et l'État va les éduquer. Certes aujourd'hui c'est gratuit, mais si on met au monde des enfants qu'on n'est pas en mesure d'éduquer et que l'on compte uniquement sur l'État, les efforts de l'État, vous comprendrez que tant qu'on n'aura pas franchi cette étape de dire quelle est ma part de responsabilité, est-ce que je mets au monde pour l'État seulement ou je mets au monde pour moi-même des enfants qui seront responsables, que je serai à mesure d'éduquer. On restera toujours avec ce problème parce qu'aujourd'hui, c'est même ce qui s'oppose et le message est clair en matière d'emploi. On sait que l'État ne peut plus engager tout le monde qui termine. Mm-hmm. Alors, s'il y a une éducation de qualité, ceux qui sont bien éduqués peuvent effectivement aller créer leur emploi. Mais aujourd'hui, avec une éducation qui est confrontée à ces multiples problèmes, il est bien difficile d'avoir de bons fruits qui vont effectivement contribuer à la création, de l'emploi. Mmh. Ouais. Donc, selon vous, un parent qui met au monde des enfants qui ne parvient pas à faire éduquer viole les droits de ses enfants? Bon, je ne dirais pas viole les droits de ses enfants, mmh, mais c'est une question plutôt de responsabilité. La responsabilité devrait exiger que vous êtes père de famille. Si vous voyez que vous ne pouvez pas nourrir votre enfant, vous ne pouvez pas être tranquille. Ça c'est sûr. Mm-hmm. Alors, un enfant, pourquoi le mettre au monde si en fait il est destiné au malheur, à vivre une situation malheureuse jusqu'à la fin, mm-hmm, qu'on lui impose alors qu'il n'a pas cherché à venir? Mm-hmm. Oui, c'est une question de responsabilité de tout le monde, des parents. Mais jeter la responsabilité sur l'État pour dire que l'État doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Et toi, c'est ton enfant. Qu'est-ce que tu dois faire aussi? Oui, voilà. Oui, on aime dire que la responsabilité première incombe au gouvernement. Bon, moi, je ne crois pas que la responsabilité première incombe au gouvernement. Ce qui incombe au gouvernement, c'est mettre à la disposition de la population les infrastructures nécessaires, oui, pour qu'il puisse y avoir des conditions pour accéder effectivement à l'enseignement. Mm-hmm. Mais le reste appartient aux parents. Mm-hmm. Reste appartient aux parents. Oui. Reste appartient à la communauté. Merci beaucoup, professeur Anaclé. Je retourne vers le ministère de la Solidarité. Ildefonso Madjambéré, le ministère de la Solidarité, ces derniers temps, le ministère s'était fixé l'objectif de retirer des enfants de la rue. On a vu les enfants qui ont été acheminés à Tchankouzo. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les effectifs augmentent toujours dans la rue. Ça a été un échec. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on ne peut pas parler d'échec sur les réalisations de retrait des enfants de la rue. Et c'est vrai, le gouvernement s'est engagé à retirer de la rue tous les enfants qui s'y trouvent. Mais le phénomène étant très complexe, on se retrouve qu'aujourd'hui, on retire des enfants, on les encadre un moment, mais après X temps, on retrouve des enfants qui reviennent, soit ce sont les mêmes enfants ou ce sont d'autres nouveaux cas qui arrivent dans la rue. Alors, le phénomène, il faut d'abord s'attaquer aux causes du phénomène. Parce que ces enfants que l'on voit dans la rue, il y a des enfants qui sont dans la rue la nuit et la journée. Ce sont des enfants effectivement dans la rue, mais il y a aussi des enfants qui viennent dans la rue la journée pour des raisons essentiellement de recherche de l'argent, qui quittent les ménages le matin et qui reviennent le soir à la maison. Il y a aussi des enfants motivés par la délinquance. Donc, qui refusent l'autorité du parent et qui viennent trouver le groupe comme son identité dans la rue et qui est dans la rue. Donc, le gouvernement a travaillé sur les enfants de la rue et continue aussi à travailler, surtout en s'attaquant sur les causes. Je peux signaler en passant pour les causes de la pauvreté et les actions qui sont menées. Le gouvernement initie beaucoup de projets générateurs de revenus au sein des communautés. Vous savez, vous êtes sans ignorer, il a initié une banque des femmes pour pouvoir motiver les femmes à travailler et à contribuer, et comme je l'ai signalé, à contribuer au CDM ménage. Le gouvernement a initié la banque des femmes. Il y a les projets pour les jeunes. Et tout ça, ce sont des projets qui sont initiés pour pouvoir relever le niveau socio-économique des ménages. Et nous avons aussi un autre projet qui s'appuie sur les transferts monétaires. Et les cibles, ce sont les ménages les plus pauvres et qui ont des enfants en âge de scolarisation. Et c'est un projet que nous avons expérimenté il y a 4 ans et que nous sommes en train de mettre à l'échelle nationale, le projet Merangabandi, que nous estimons qu'à la fin du projet, on aura contribué à relever les niveaux de vie des ménages. Comme ça, les enfants qui pour le moment sont en difficulté de se procurer du matériel scolaire ou de ne pas se nourrir la journée, n'aura pas raison de dire qu'ils vont dans la rue parce que la pauvreté menace leur ménage. Pour d'autres cas, par exemple les cas de délinquance ou les cas de recherche d'identité que j'ai signalé, ce sont toujours des approches qu'on développe aujourd'hui. Et le gouvernement a créé des centres d'accueil. Ces centres d'accueil, c'était pour pouvoir écouter ces enfants. Et voilà où ils ont perdu les références et ramené à la raison de ces enfants avant leur réinsertion. Malheureusement, les enfants ne fréquentent pas les centres qui sont ouverts pour ça. Donc, le phénomène des enfants de la rue, c'est à prendre avec plusieurs pincettes. C'est pas vraiment parce qu'on voit des enfants dans la rue et que le gouvernement ne fait pas ses efforts, mais c'est parce que le phénomène en soi est complexe et mérite plusieurs interventions, que ce soit les interventions du gouvernement mais aussi des interventions de la communauté. Et parce que le gouvernement ne pourra pas agir sur la délinquance à lui seul, mais la responsabilisation, comme le vice-président a signalé, la responsabilisation des parents, le rôle des parents dans l'éducation des enfants, surtout la petite enfance, et ce sont les parents qui doivent contenir les enfants dans les ménages. Mmh. Ce n'est pas le gouvernement qui va contenir les enfants dans les ménages. Mmh. C'est la communauté, le rôle des organisations de la société civile, le rôle des églises, le rôle de tout le leadership qui est là au sein de la communauté, mmh, qui doit s'impliquer pour contenir le phénomène des enfants de la rue. Mmh. Sinon, le gouvernement ne cesse de fournir ses efforts pour pouvoir réduire et agir sur les causes du phénomène. Mmh. Mais l'on a décrié depuis belle lurette que les enfants restent exploités. On les voit toujours vendre sur palette des arachides. Et ces enfants, on peut dire qu'on les a laissés exploiter par des individus. C'est déplorable que ces enfants existent et c'est une triste réalité. Des enfants sont utilisés quand bien même la loi interdit le travail des enfants. Donc, il revient à tout un chacun. D'abord, de s'approprier de ces dispositions qui interdisent le travail des enfants. Et puis, la communauté, tout cela se passe aux yeux de la communauté. Nous, en tant que ministère, on fait des séances de sensibilisation auprès des communautés. On institue des organes proches de la communauté. Et je peux signaler que nous avons, il y a un peu de temps, nous avons institué un comité de protection de l'enfant qui va de la colline jusqu'au niveau national. Mais ce qui se remarque, c'est qu'à un certain moment, ces comités ne fonctionnent pas normalement parce que l'encadrement de ces comités qui devraient se faire au niveau communautaire, des gens ne sont pas impliqués et ne s'intéressent même pas à ce phénomène d'exploitation. Merci beaucoup, Malise Atungimana, directrice de l'éducation préscolaire et petite enfance au ministère de l'Éducation. Vous avez parlé de plus de 100% d'élèves, mais on constate que les chiffres vont croissant dans les écoles, les cas d'abandon scolaire. On aime lire ça dans des rapports qui sont fournis par les DPE. Et qu'est-ce que le ministère est en train de faire pour que ces cas d'abandon cessent? Oui, merci beaucoup. Cela est dicté par le fait que, on l'a déjà dit, avec ces effectifs pléthoriques, c'est très difficile. Mais aussi, on constate aujourd'hui que l'encadrement de ces enfants n'est pas du tout, je dirais, satisfaisant, parce que l'encadrement ne se fait pas seulement dans les écoles. Mm-hmm. Quand, du retour de l'école, il faut qu'il y ait la continuité de l'encadrement par la communauté, par les parents. Mm-hmm. Malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui, nos enfants sont laissés à eux-mêmes. Et à la maison, ils s'occupent surtout de télévision, de ces téléphones. Et souvent, ce qu'ils trouvent dans ces télévisions et téléphones ne sont pas du tout constructifs ou instructifs. Mm-hmm. D'où, ils trouvent souvent, ils s'adonnent à d'autres choses au lieu de l'encadrement à la maison, de faire encore une fois l'étude, la révision de ce qu'ils ont vu déjà à l'école. Aussi, il faut que ce qu'on avait dans le temps. Aujourd'hui, je rentre à la maison, je peux constater, je peux rencontrer un enfant qui est en train de se délaisser ailleurs, mm-hmm, et je ne suis pas du tout intéressée de ce que l'enfant est en train de faire. Mm-hmm. Alors que je devrais être conscient ou consciente de l'avenir du pays. Tout le monde sait que l'avenir de ce pays doit être, sera bon à partir de la qualité de ces enfants que nous avons aujourd'hui. Alors, si ces enfants sont laissés à eux-mêmes, ils s'adonnent à beaucoup de choses qui ne sont pas du tout, qui ne donnent pas à la qualité de ce qui devrait être fait. Alors, on devrait retourner à ce qu'on appelait dans le temps Umwanasuwumwe, pour que tout le monde, pour qu'il y ait le concours de tout un chacun, pour qu'on ait la qualité que ce soit aussi de l'éducation, mais aussi des apprentissages. Tout le monde doit contribuer. La communauté doit avoir beaucoup de choses à faire. Mmh. Au niveau du gouvernement, aussi du ministère, on a déjà fait des pas. Il y a ce qu'on avait... On avait déjà constaté que ces abandons, souvent, ils sont dus à la pauvreté. Et on a instauré la cantine scolaire dans les écoles, dans toutes les écoles même, dans les écoles fondamentales. Il y a aussi la préscolarisation de tous les enfants de 5 ans pour qu'on puisse avoir une préparation psychologique mais aussi cognitive de chaque enfant et par en fait affronter le programme de l'enseignement fondamental facilement. Il y a aussi, je dirais, l'institutionnalisation du rôle de la tante et de l'école dans toutes les écoles fondamentales pour que ces derniers puissent contribuer à l'encadrement, à l'étude des difficultés que l'enfant peut avoir, que ce soit dans la communauté, que ce soit à l'école, et par conséquent, y trouver des remèdes. Surtout que ces derniers œuvrent aussi dans la communauté, ils vivent ensemble. Il y a aussi également le comité de gestion de l'école. On a déjà dit que la communauté a un rôle prépondérant à jouer dans l'éducation de ses enfants. Et aujourd'hui, le président du comité de gestion de l'école, c'est le parent. C'est pas seulement l'école, n'est pas du tout l'école du directeur, n'est pas l'école de l'enseignant, c'est plutôt une école communautaire où la communauté doit contribuer beaucoup pour qu'on ait une éducation de qualité. Alors, étant donné que la composition du comité de gestion de l'école, il y a les parents, il y a aussi les membres de l'administration territoriale, il y a les enseignants, il y a tous les enfants. Tout le monde devrait contribuer, devrait œuvrer, quitte à ce qu'on ait une qualité, et la qualité des apprentissages, mais aussi de l'éducation de l'enfant, pour qu'on puisse avoir un avenir meilleur pour ses enfants. Merci. Merci beaucoup. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que c'est le moment de l'émission Mosaïque. Nous sommes en train de débattre sur la contribution du voisinage et la scolarisation des enfants pour la protection de leurs droits. Je retourne au niveau de l'OIDEB, Félix Sindaï Gaya. Il y a toujours des stratégies qui sont arrêtées pour que les droits des enfants soient prise en compte, mais on voit toujours qu'il y a des défis qui poussent à ce que ces stratégies ne soient pas mises en application. Vous êtes inquiété au niveau de l'OIDEB? Oui, nous sommes inquiétés. Et comme vous le dites, c'est vrai, dans les efforts du gouvernement, le gouvernement essaie de mettre en place des stratégies ou bien fournir des efforts pour que le bien-être, bien la protection de l'enfant soit une réalité dans le pays. Mais les défis ne manquent pas. Par exemple, je vais revenir sur le phénomène des enfants de la rue. Et depuis le mois de mars 2022, il y a une stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants de la rue qui est là. Mais depuis cette année-là, cette stratégie n'est pas opérationnelle. Et c'est une stratégie qui a été conçue conjointement sous l'initiative du ministère de la Solidarité nationale et de l'UNICEF. Et c'est une stratégie qui a été conçue avec vraiment consultation de tous les acteurs de protection de l'enfant. C'est une stratégie qui contient tous les défis, tous les facteurs qui sont à l'origine du phénomène des enfants de la rue, avec aussi des actions proposées qui puissent être mise en exécution pour que le phénomène des enfants de la rue et des adultes mendiants soit banni. Mais malheureusement, cette stratégie n'est pas opérationnelle, ce qui est déplorable. Parce que si, avec les propositions des actions qui contiennent dans cette stratégie, si elle était réellement opérationnelle, je suis sûr et certain que l'ampleur du phénomène allait connaître un changement dans le sens de diminution. Parce que c'est vrai, vous le voyez vous tous, et dans la ville, le phénomène, c'est une réalité qui existe. Et ces enfants sont là. Comme Monsieur le porte-parole du ministère l'a dit, pour pouvoir prévenir ce phénomène, nous devons en premier lieu tenir compte ou bien nous devons éradiquer les facteurs, les causes du phénomène. Parce que les causes sont multiples. Soit c'est la pauvreté dans les ménages, soit c'est l'instabilité des familles, soit c'est l'irresponsabilité des parents, soit c'est aussi la croissance démographique. Il y a aussi le voisinage qui ne contribue pas, comme madame le disait. Oui, oui. Et ce qui fait que pour que on réussisse à prévenir ce phénomène, il y a beaucoup d'actions qui doivent être menées et par aussi plusieurs acteurs. Parce que les actions de la stratégie impliquent une complémentarité de plusieurs acteurs, y compris la communauté, y compris les administratifs à la base et aussi au sommet, pour que donc aussi les acteurs impliqués dans la protection de l'enfant, pour que les efforts puissent être conjugués afin que nous puissions obtenir vraiment à la prévention de ce phénomène. Parce que c'est vrai, vous voyez que les effectifs sont multiples, mais les problèmes sont individuels. C'est-à-dire que pour le traitement des cas, bien pour le traitement d'un cas d'un enfant de la rue, on doit d'abord l'écouter et entendre ce qui lui a poussé réellement de venir dans la rue et agir dans le sens de trouver solution à ce problème. Les cantines scolaires ne sont pas partout. Peut-être qu'elles sont visibles, bien sont présentes sur certaines écoles, dans certaines aussi localités. Mais je pense que le mieux serait que les cantines scolaires allaient être implantées dans tous les lieux. Dans toutes les écoles. Dans toutes les écoles. Parce que, avec les causes d'abandon scolaire, quand un enfant arrive à la maison et qu'il ne trouve pas à manger, il se sent mal à l'aise et il est dans de mauvaises conditions pour pouvoir continuer l'école. C'est ce qui est même à l'origine de ce phénomène des enfants de la rue, parce que quand il abandonne l'école, il va dans la rue. Ou bien, il s'adonne aux travaux. Donc, quand il abandonne l'école, il est aussi exposé à plusieurs problèmes, y compris l'exploitation économique, à l'instar de ces enfants dont vous nous parliez tout à l'heure, qui sont utilisés dans le petit commerce ambulatoire. Merci beaucoup. Nous cheminons vers les dernières minutes de cette émission. Je retourne la question à monsieur le vice-président de la CNDH. Quel devrait être le rôle des uns des autres pour protéger les droits des enfants dans tous les domaines? Je crois, comme je l'ai dit, le rôle des uns et des autres, oui, le rôle des uns et des autres pour protéger les droits de l'enfant, c'est d'agir en synergie. Il y a la communauté, il y a les parents, il y a l'école. Et si on abandonne le rôle à l'État, je pense qu'on ne trouvera pas de solution. La communauté, les familles à la base, il faut qu'on revienne aux valeurs qui ont longtemps marqué l'éducation de l'enfant. Et il faut aussi comprendre l'évolution, notre société. L'évolution de notre société, pourquoi? Parce que c'est une société où on a toujours éduqué pour aller travailler à la fonction publique. Et dès qu'alors quelqu'un n'a pas de travail à la fonction publique, c'est en fait le désarroi, c'est comme s'il n'a pas étudié. Et certains des parents, certaines des familles vont regarder, ils vont dire, ah, le fils d'hôtel ou la fille d'hôtel a été à l'école, mais il est à la maison. Finalement, puisqu'on n'a pas changé de mentalité, on est resté dans l'ancienne logique où on terminait l'école et on vous appelle à la radio, à la télévision, à la commune pour venir travailler. Cet endroit, plutôt cette situation n'est plus et ne sera plus. Et donc, il faut que les familles et les communautés se mettent en tête que On éduque pour être utile à soi-même et même à travailler pour soi-même. Donc, contribuer. Nous avons vu des pays dans les années passées où on avait compris le rôle communautaire. Maintenant, je ne sais pas. Et à cette époque-là, par exemple, ici, à RDC, ex-Zaïre, nous savons que ce sont les enseignants qui se cotisaient pour payer, plutôt ce sont les familles, les parents qui sont cotisés pour payer les enseignants pour les racheter les créés, pour tout faire. Et aujourd'hui, maintenant, nous arrivons à une situation où on parle des effectifs prétoriques. On est en train de parler du secteur public, mais le secteur privé, c'est la même chose. Les effectifs sont devenus prétoriques. Mm-hmm. Peu d'écoles se trouvent dans les normes, par exemple, de l'UNESCO, qui situe entre 30 et 35 le nombre d'enfants dans une classe. Vous y trouvez 40, vous y trouvez 50, vous y trouvez 60. Alors, vous comprenez que dans ces conditions, ce n'est pas l'État, le gouvernement seulement qui doit trouver des solutions. Mm-hmm. Les solutions, c'est tout le monde qui devrait trouver. Et peut-être au niveau du gouvernement, il y a des efforts qui doivent être faits. Mm-hmm. Et, je ne dirais pas qu'ils doivent être faits, mais qui doivent, puisqu'il y a des efforts déjà. Mm-hmm. J'ai dit que le budget, on a augmenté l'année passée de plus de 30%. Oui. Mais on est loin d'avoir une éducation de qualité. Pourquoi? Parce que les normes exigent qu'il y ait au moins 15% du budget de l'État qui soit consacré à l'éducation. Pendant alors qu'on est, on n'est pas à ces 15%, on est peut-être à quelques... On n'est même pas à 4, on n'est même pas à 3, je pense, du budget de l'État. Alors, maintenant, il faut qu'on augmente ça. Et puis, c'est vrai, pour la question d'abandon, moi, je pense qu'il faudrait que le gouvernement aille de l'avant et rende l'éducation obligatoire. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je crois que l'éducation est facultative. Mm-hmm. Mais ailleurs, on sait que, par exemple, avant l'âge de 16 ans, vous ne pouvez pas abandonner l'école. Mm-hmm. Vous abandonnez, on vient vous chercher, vous devez rester là jusqu'à ce que vous terminiez. Mm-hmm. Je crois que cela n'est pas le cas dans notre pays. Il faut alors rendre obligatoire cette éducation pour lutter contre ces abandons prématurés de l'école. Mmh. Ouais. Vous avez interpellé les autres et que compte faire la CNDH? Oui, la CNDH, justement, nous avons commencé à faire. Voilà, nous avons réuni autour de ce plateau les intervenants majeurs dans ce domaine. Ça fait partie des actions. C'est l'une des actions, c'est-à-dire la sensibilisation, l'explication des problèmes liés à la protection de l'enfance pour éduquer, sensibiliser la population, sensibiliser la communauté. Mais ce que aussi nous faisons, nous contribuons beaucoup. Je sais que pour ce qui est des enfants de la rue, tantôt ils sont arrêtés. On est là pour dire ben allons-y doucement, mais on doit reconnaître que pendant que nous on leur dit non. On ne doit pas faire ça, mais on sait que la sécurité publique aussi, c'est le devoir de l'État qui doit rassurer. Quand les enfants de la rue commencent par attaquer la population, il y a trouble à l'ordre public. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là, en fait, toutes ces initiatives vont contribuer. On a parlé de la stratégie, on a parlé des efforts au niveau de l'école. Et bon, on le voit, il y a des efforts, mais on peut être submergé. Et là alors, c'est là où nous appelons le concours de tout le monde, la contribution de tout le monde, et même la société civile. Bon, pas seulement, oui, critiquer, mais proposer des solutions à un certain moment. Comment est-ce qu'on peut y aller avec ce problème-là? Voilà ce que nous faisons, sensibiliser les acteurs, intervenir lorsqu'il y a des cas de violation des droits de l'enfant qui nous sont parvenus ou qu'on entend ici et là pour pouvoir quand même être au milieu. Et oui. Dire, ben, voilà, il faut que les droits soient respectés. Merci beaucoup. Nous sommes avec le technicien le ministère de la Solidarité, Idéfonse Madjambéré. Et qu'est-ce que le ministère compte faire pour réussir ce pari de la défense des droits des enfants? Bon, d'abord, c'est l'appropriation des instruments qui sont là. Et aujourd'hui, on est face à une incompréhension du concept des droits de l'homme et des droits de l'enfant. Certains conçoivent les droits de l'enfant comme un instrument de plaidoyer, oui, pour les enfants, mais d'autres peuvent l'utiliser comme un instrument de financement des projets. Tout à l'heure, mon confrère de l'OIDEB parlait de la stratégie. C'est une stratégie qui a été élaborée en consultation avec plusieurs partenaires dans le domaine de protection de l'enfant. On avait même arrêté un budget ambitieux de plus de 250 milliards. Mais aujourd'hui, je ne peux pas épouser l'idée que la stratégie n'est pas mise en œuvre. Peut-être on est dans les débuts, le gouvernement fait son sien. Considérez le budget en cours et vous allez voir que tous les budgets qui étaient initialement alloués à la protection de l'enfant ont été revus à la hausse. Et depuis la réhabilitation des personnes handicapées, et le retrait des enfants de la rue, la vulgarisation des documents de politique, tous les budgets ont été revus à la hausse. Et c'était inscrit dans la stratégie que le gouvernement devrait prendre le taureau par ses cornes. Il l'a fait, mais paradoxalement, les partenaires qui devraient accompagner la stratégie n'ont pas suivi le rythme qui est là. Alors, la première action, c'est que tous les partenaires doivent s'impliquer pour l'éducation et la protection des droits de l'enfant. Que les droits de l'enfant ne soient pas vraiment une chanson que chacun peut manipuler à sa guise. Que tout le monde comprenne que si le gouvernement a ratifié la convention, c'est parce qu'il avait cet engagement, mais ce n'est pas uniquement le gouvernement qui est impliqué. Il y a alors la responsabilisation de tous les partenaires. Et puis, il y a les parents qui doivent prendre le devant dans la stabilisation des enfants et dans l'éducation, que ce soit l'éducation formelle ou l'éducation non formelle, disons. Le parent a toujours son rôle à jouer et son rôle primordial, c'est de revenir sur les valeurs de la famille et faire son mieux pour que l'enfant reste dans la famille. Que ce soit la famille pauvre, que ce soit la famille à problème, la solution, la rue ne peut en aucun cas être la solution pour l'enfant. Il y a aussi un aspect de prévoyance. Nous sommes face à des familles qui ne planifient pas pour les enfants. Comme nous l'avons signalé, nous avons un pays avec une démographie plus galopante. Personne ne pense au budget que les enfants vont demander pour la scolarisation, pour les soins de santé. Et les ménages ne font pas cet exercice de voir combien 4 enfants ou 6 enfants vont me coûter pour la scolarisation pendant l'éducation scolaire, fondamentale et universitaire. Donc, il faut alors que cette sensibilité de prévoyance est aussi liée au niveau des ménages. Je parlais tout à l'heure du rôle des partenaires. Pour le phénomène des enfants de la rue, le gouvernement est en train de construire des centres d'encadrement, des centres de formation des métiers, nous déplorons aussi qu'il y a des gens, des adultes qui ne perçoivent pas encore que ces enfants qui sont dans la rue, ce sont des dangers publics. Mm-hmm. Et quand on donne de l'argent à un enfant qui a visiblement consommé des stupéfiants, et on donne encore de l'argent à ces enfants, c'est qu'à un certain moment, on les incite à rester là-bas. Mm-hmm. Donc, nous interpellons à la communauté de ne pas aider quoi que ce soit dans la rue. Mm-hmm. Et s'ils ont des contributions, il faut qu'ils approchent des institutions, des mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir coordonner toutes ces interventions. Mmh. Merci beaucoup, Malizy Hatungimana, directrice de l'éducation préscolaire et petite enfance au ministère de l'Éducation. Un dernier mot. Quel est l'appel que vous lancez aux uns et aux autres pour protéger les droits des enfants dans tous les domaines? Merci encore une fois. L'appel que je lance, ce n'est autre chose que la complémentarité, mmh, pour que tout le monde puisse contribuer à l'évolution effective, mais aussi à la bonne évolution de l'enfant. Parce que si on a un enfant qui abandonne l'école, il vit avec nous dans la communauté. Il faut que tout le monde sache comment identifier le mobile de cet abandon et par conséquent arriver à faire des efforts pour que l'enfant retourne à l'école. Mmh. Oui. Oui. Félix Sindaïgaya de l'OIDEB, un dernier mot avant qu'on boucle l'émission. Quel serait le rôle des uns des autres pour quand même arriver à protéger les droits des enfants? Bon, comme les autres l'ont dit, c'est la conjugaison des efforts de tous les acteurs impliqués dans la protection de l'enfant. La société civile compris. Oui, oui. Avant de terminer, je vais demander à M. le Défense, parce que c'est vrai, la stratégie est opérationnelle, comme vous le dites, mais l'opérationnalisation n'est pas effective, je pense, parce que des actions ou bien des preuves existent, parce que vous voyez que le fermet des enfants de la rue continue à s'accroître. Et c'est vrai, dans les actions à mener, nous devons prévenir et aussi de protéger, parce que si on ne fait pas la prévention, le phénomène va continuer. Alors, nous devons prévenir pour que le phénomène puisse continuer et aussi faire des interventions pour ceux qui sont déjà affectés par le phénomène. Et la stratégie contient vraiment tout le nécessaire. Comme vous avez dit, que peut-être que l'appropriation ou bien les partenaires qui devraient intervenir ne sont pas en train de répondre comme il faut, bien avec spontanéité. Je pense que c'est un travail que vous continuez à faire. Vraiment, pour nous, nous demandons de continuer à inciter tous ceux qui ont des contributions à faire, parce que vraiment, la stratégie contient tout le nécessaire pour l'éradication de ce phénomène. Merci beaucoup. C'est sur ces contributions de nos invités que se referme ce débat qui était centré sur la contribution du voisinage et la formation, l'éducation des enfants pour la protection de leurs droits, qui vous a été préparé par la Radio Isanganiro en collaboration avec la Commission indépendante des droits de l'homme, CINDH. Je ne saurais pas terminer sans toutefois dire merci aux invités, professeur Anaclé Nzohabonayo, vous êtes de la CNDH, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités et d'avoir accepté la co-préparation de cette émission, et merci aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Et bon, nous serons ravis, même à la prochaine fois, de répondre à votre invitation. Merci. Merci beaucoup pour cette promesse. Félix Sindaïga de l'OIDEB, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi. Je remercie aussi Malizy Hatungimana du ministère de l'Éducation. Merci à vous aussi d'être venu dans Mosaïque. Oui, merci aussi. Oui, nous étions aussi à cette table ronde avec Ildefonse Madjambéré. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être accueilli au studio de la radio-télévision Isanganiro. À la prise du son, j'étais avec François Akimana, Médard Nyonguru à la réalisation, à la présentation de ce débat. Vous étiez avec Evariste Nziko Bananga. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Mosaïque.